et j'ai frappé jusqu'à ce qu'il refroidisse. Jusqu'à ce que cet enfoiré crève. Sa tête ressemblait à un hamburger saignant. Je l'ai frappé, je l'ai jeté par terre, et j'ai continué de la frapper jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. Il tua sans aucun scrupule. Ça l'a excité, il a eu le sentiment d'être important. Quoi qu'il en soit, elle s'est permise de me salir en me balançant son café. N'insistez pas sur la rhétorique. Une émeute pourrait nous mettre en première page. N'est-ce pas ce que nous voulons ? La France n'a pas commis de crime contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. Vous avez déjà entendu notre chef, le maréchal Pétain, vous dire que c'est avec son approbation. J'édulcore ma vie avec des substances toxiques. Tente de fuir l'ennui mais ne cours jamais assez vite. Sympathique en pratique avec les filles même superficielles. Bébé t'es mon héroïne, laisse-moi t'appeler superficielle. Si la vie était belle, les nouveaux-nés riraient. Si la tienne était parfaite, alors de quoi tu rêverais? Augmente les décibels pour oublier l'extérieur. C'est la nature humaine, trouve de la beauté dans l'horreur. Mais je compte pas changer le monde, loin, loin de moi cette idée. Joue à cache-cache avec le bon. Depuis que je suis né, happy few, nous c'est le dégoûtonnant titre mondial du groupe le moins écoutable. Je compte pas changer le monde, c'est lui qui m'a transformé en animal blessé cherchant à être adopté. Les yeux d'un nouveau-né sont déjà aveuglés. L'horreur est humaine et ça ne fait que m'arranger. Je compte pas changer le monde, c'est lui qui m'a transformé en animal blessé cherchant à être adopté. Les yeux d'un nouveau-né sont déjà aveuglés. L'horreur est humaine et ça ne fait que m'arranger. Te demande pas pourquoi le gentil rap est devenu un être si sinistre. Car j'ai plus ma pilule magique de bonté qu'on m'administre. Perce ta habitude de me cacher que tu me craches au visage car je t'ai capté. Et c'est silencieusement que je vais t'étrangler jusqu'à entendre tes os briser. Car je m'amuse à devenir l'être que je n'étais pas devenant fou. Celui qui pense m'en empêcher, c'est celui que je trouve. Je suis avec ma bouteille, arme-toi de ton scalpel et autopsie-moi pour voir le néant de mon monde des merveilles. Alice, je me joue contre les parois, ma carcasse avec démence. Mon cœur glacé dur t'oriente vers ma paroisse, ma croyance. Je suis ce zombie social, ce déchet humain à qui on ne peut pas couper les ailes. Sachant que l'humain, ma victime, me tient dessus et qu'à chaque balle, je me relève. Avec moi, restez doux, taisez-vous, car je suis un caillou dans une foule. Alors inutile de chier dans ma soupe, car elle aura meilleur goût. Je n'ai pas l'apparence d'un méchant, je n'ai pas la clémence d'un enfant. L'horreur est humaine et a poussé comme les premières feuilles du printemps. Je compte pas changer le monde, c'est lui qui m'a transformé en animal blessé, cherchant à être adopté. Les yeux d'un nouveau-né sont déjà aveuglés. L'horreur est humaine et ça ne fait que m'arranger. Je compte pas changer le monde, c'est lui qui m'a transformé en animal blessé cherchant à être adopté. Les yeux d'un nouveau-né sont déjà aveuglés. L'horreur est humaine et ça ne fait que m'arranger. Je compte pas changer le monde, c'est lui qui m'a transformé en animal blessé cherchant à être adopté. Les yeux d'un nouveau-né sont déjà aveuglés. L'horreur est humaine. Chandelle, préparer une sauce au miel, champagne pour l'occasion, parfumée au Mirabelle. Ma belle, tu veux du sel, ne pleure pas, je le ramène. Je détache la main droite que si tu me dis que tu m'aimes, j'ai la haine. Ce type l'autre fois, elle se la jouait quand même. Pour oser glisser sa sale main sous ton pull en laine. Le problème, c'est que c'est pas lui, mais moi que t'aimes. Et j'ai tiré la fève, c'est toi ma reine. Je te ferai des big bisous doux et des guilis partout. Si tu me repousses encore, je te tordrai le cou. Est-ce que tu vas m'aimer? Est-ce que tu vas m'aimer? Ou devrais-je encore te laisser attaché dans le grenier? Ne te débat pas, la corde est serrée, tu vas te faire mal. Mon cœur, veux-tu encore de la sauce dans ta salade? J'ai un verre de vin blanc pour finir en dansant. Je te prends pas les sentiments, fais un effort même semblant. Tout serait plus facile si tu voulais enfin m'écouter. On pourrait s'embrasser devant un feu de cheminée. Dans mon beau tablier, des bons plats cuisinés. Tu dois pas hésiter, veux-tu m'épouser? Je vais te violer, gentiment, gentiment. Tu ne diras rien à tes parents, je vais te violer. Gentiment, gentiment. Tu ne diras rien à tes parents, je vais te violer. Gentiment, gentiment. Tu ne diras rien à tes parents, je vais te violer. Gentiment, gentiment. Tu ne diras rien à tes parents, je vais te violer. Tu es connard, j'ai écumé tous les bars. Caché derrière ton pastis, ta moustache et ton postiche. Je t'ai reconnu mec, je t'ai vu sur toutes les affiches. Le JT t'a nominé, médaille d'or des enculés. 32 viols à ton actif et ça finissait au canif. Bonsoir, je suis toute seule, je peux me joindre à vous? Tu sais, tu peux me tutoyer, je peux t'offrir un Malibu. Bonsoir, je suis toute seule, je peux me joindre à vous? Bien sûr, petite salope, et après mon poids dans ta gueule, on pourra faire chouchou. C'est pour qui le Malibu? On va s'unir pour le pire, poupée, tu vas voir. Tu vas beaucoup moins rire une fois sorti du bar. Tu m'as pris pour un mec cool, sympa, pas louche. C'est ce que tu penseras toujours, du sparadrap sur la bouche. Je vais te faire enfiler une jupe, avaler ton jus et te le faire cracher par le cul. Je vais planter la petite graine avant de te transpercer le cœur. Pour finir dans les faits divers sur ta tombe, je mettrai des fleurs. Quand t'auras plus la force de me supplier, d'articuler. Arrête! Quand t'auras compris. Mais j'ai compris, je t'en supplie. Que t'aurais pas du nez. Je vais te tuer. Gentiment, gentiment. En prenant tout mon temps, je vais te tuer. Gentiment, gentiment. En prenant tout mon temps, je vais te tuer. Gentiment, gentiment. En prenant tout mon temps, je vais te tuer. Gentiment, gentiment. En prenant tout mon temps, je vais te tuer. Gentiment, gentiment. En prenant tout mon temps, je vais te tuer. Gentiment, gentiment. En prenant tout mon temps.